Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler de NBA, mais on va y amener un aspect plus régional, plus local. Évidemment, on va continuer de parler de basket avec Charles Dubé-Bray et Pascal Jobin plus tard cette semaine. Mais là, Dave Hensley du Journal quotidien m'a donné une bonne idée. C'est de faire une entrevue sur la scène régionale, sur ce qui se passe dans la région. On sait qu'il y a un joueur qui joue pour les Raptors, qui a joué dans la région il y a quelques années. Et on va parler avec Philippe Urtubise, qui est directeur général des études au Cégep de Chicoutimi. Il dirige le basketball depuis 23 ans. Collaborateur également avec nos collaborateurs au Saguenay, Michel Tifo et Dominique Bolduc. Salut Philippe! Salut! Philippe, je veux parler évidemment du basketball dans la région, la popularité des Raptors. Est-ce que ça fait des petits dans la région ou encore le basketball se porte bien quand même? Là? Puis ça va augmenter. Oui, exact. C'est surtout que ça va augmenter parce que si je fais un champ de parallèle avec ce qui s'est passé dans les années où Vince Carter était avec les Raptors, c'était vraiment la vedette. Puis c'est ce qui a amené la poussée actuelle du basketball canadien, dont il ne veut pas aussi au Saguenay. 18 ans plus tard, le fait d'avoir autant de joueurs de basket et de déjà commencer à avoir des Québécois, soit dans l'NBA comme Chris Boucher, tu l'as mentionné, ou plusieurs autres. Lucas Doyle va être un choix de première ronde, début de deuxième maximum. Exact. Lugens, après moi, il devrait sortir fin première ronde. Lugens, moi, je l'ai côtoyé quand je coachais sur l'équipe du Québec U17, dans le fond. Là. OK. Donc, est-ce que dans la région actuellement, tu es en contact direct avec les jeunes, est-ce que ça l'augmente? Est-ce que le téléphone a sonné? Est-ce que ça parle plus de basket? Comment tu vis ça, là? Ben, au quotidien, en ce moment, c'est hallucinant, là. Je veux dire, tout le monde là qui aime moindrement le sport suit tous les Raptors. Ouais. Donc les gens de hockey m'interpellent, les gens de tennis m'interpellent, les gens de tous les sports, tout le monde en ce moment parle que des Raptors. Puis c'est certain qu'il y a un grand intérêt. Puis il veut pas, ben ça va faire des petits là quand les jeunes l'année prochaine aux écoles primaires vont vouloir choisir des sports, des activités. Ben, on se doute que le basketball va avoir la cote. Quand même, il l'a déjà beaucoup. Il va sûrement l'avoir encore plus. Moi, je dis, s'il reste 5% de ce qui reste, ça va déjà être très beau. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont du bandwagon, qui regardent dans le bandwagon, que dès que les Raptors de la série vont finir, personne ne va s'intéresser au basket. On sait tout ça, là. Sauf que s'il reste 5% de ce bandwagon-là, c'est excellent déjà, là. Tout à fait d'accord, puis je veux dire, au-delà du 5%, là, je veux dire, ça fait juste écarquiller aussi les yeux des personnes qui dirigent, que ce soit nos milieux scolaires ou quoi que ce soit, eux autres aussi très Raptors en ce moment. Fait que si je me donne un exemple, à Pavillon Wilbrot-Dufour l'année prochaine, dans votre coin, il y a 12 jeunes qui frappent à la porte parce que ça lui tente de jouer un basketball au niveau Benjamin à son R1. Mais il y a probablement plus de chances qu'il y ait une oreille et qu'il réussisse à faire une équipe à ce niveau-là. À mon avis, ça va faire plus que 5%. C'est que surtout que ça ouvre les yeux sur le sport à plusieurs personnes. Comment ça se porte actuellement dans la région, le basketball? En ce moment, je vous dirais que c'est certain que la Ligue au niveau provincial, c'est-à-dire les deux grands pôles un peu de développement et d'excellence, ils sont beaucoup au Saguenay, là, c'est-à-dire autour de la polyvalente Arvida, qui a des sports études, et les Mossagnes de Domicassine. Ces deux centres-là vont mieux que jamais, là, sont en santé incroyable avec leur mini, ces choses-là. Par contre, très honnêtement, la Ligue un peu plus régionale, Division 3, ça va un peu moins bien. En ce moment, au Lac-Saint-Jean, le départ de l'académie là que qui est au Cégep d'Alma a fait mal après là, donc autrement dit okay. L'intérêt de faire du basket c'est comme perdu parce que c'était difficile pour les jeunes du lac de pouvoir rêver à atteindre mettons le Cégep ou quoi que ce soit, c'est que c'est sûr que ça a démotivé. Mais en ce moment, il y a beaucoup de projets. On est en train de relancer. On a rencontré les conseillers pédagogiques des deux commissions scolaires au lac. Ils sont intéressés. Ils embarquent. Le basketball collégial Simon Leblanc restart du collégial au Cégep d'Alma l'année prochaine. Alors vraiment, la Ligue régionale devrait reprendre vie davantage dans les prochains mois. OK. Tu vas... écoute, je veux te parler de Chris Boucher. T'étais un gars qui a dirigé contre lui. Est-ce que tu aurais pu penser qu'un jour que Chris Boucher, à l'époque, je reviens, est-ce que aurait dirigé ou aurait joué dans la NBA? Rapporte-toi dans le temps. Là. Est-ce que Chris Boucher était si dominant que ça? Et, honnêtement, là, j'y croyais pas une seconde. Ouais. Quand même que je te disais que je suis honnête avec toi, là. Puis je sais quand même que les jeunes de Cégep d'Alma, puis je lève mon chapeau à des gars comme Simon, puis dans le temps, les gars qui étaient là-dessus, eux ont vu le potentiel. Moi, là-dessus, j'étais à côté de mes souliers. J'étais très, très, très humblement. Il dominait pas le match? Il dominait pas le match du tout? Ben en des deux, comme je t'avais dit, le match qu'on a joué contre dans le temps, Gaillard contre Janois, il a juste été éligible une session, lui, dans le fond, avec les notes scolaires. Ouais. C'est qu'on a joué contre, on a joué un match contre, puis on a gagné. Normalement, c'est un joueur de l'NBA de ton équipe. Oui, c'est sûr. Pas supposé arriver, là. Oui. C'est sûr. Là, c'est ça. Mais il y a une chose qui était claire. C'était un super athlète. Je l'évaluais surtout par sa charpente. Là, tu sais qu'il est très, très, très allongé, très léger comme joueur. Donc, difficile pour jouer de jouer à l'intérieur. À ce moment-là, je me disais, crime, ce gars-là aurait dû choisir le volleyball. Parce qu'il n'y avait personne d'aussi haut aussi athlétique que lui. OK. Mais il restait beaucoup à peaufiner au niveau de son basket. Puis je lève mon chapeau, là, je veux dire, il a fait les exercices parce qu'en ce moment, il est vraiment bon. Quand il a joué à Reagan, j'étais agréablement surpris de le voir aller. Il a dominé la G-League, joueur par excellence de G-League cette année. Ben oui, c'est le joueur qui fait le plus de blocs, qui prend les rebonds. Il écoute son lancer de 3 points, il est rendu excellent. C'est sûr qu'il va se trouver une niche, puis il va jouer régulier dans une vie d'ici un an ou deux. Oui, mais est-ce que dans ce temps-là, est-ce que les gens, lorsqu'on parlait de Chris Boucher, on en bavait, il avait une réputation, ou c'était un joueur comme un autre? On en bavait quand même. Oui, OK. Il jouait en division 2. C'est qu'il n'y avait aucun joueur au Québec qui avait sa grandeur, qui avait sa capacité à se déplacer aussi vite. Okay. Le timing pour bloquer des joueurs, écoute, c'est le meilleur bloqueur de lancer que je vais voir de ma vie. Là, j'en ai pas d'autres. Parce qu'il était grand. Parce qu'il était grand. Ben oui. C'est un 6 pieds 10. Ouais, okay. C'est un très grand. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a un autre Chris Boucher qui se cache dans la région? Même au Québec, là, je veux dire. Oui, ben il y a Lucas Berg. Il y a Lugans qui s'en vient. Il y a Laurent qui était en ce moment, c'est un joueur qui fait déjà 7 pieds. Il y a Guerrier qui a été lui qui a été commis avec Syracuse. Oui, Quincy, mais Quincy est loin de l'NBA encore. Ouais, j'ai une différence entre faire l'NBA division 1 et être en NBA. Parce que l'NBA division 1, moi je m'ai coaché à peu près quasiment une vingtaine qui sont l'NBA division 1 en ce moment. C'est des gars qui ont fait Team Canada. Je parle à des Jérôme Desrosiers, que j'ai coaché pendant 4 ans, qui joue actuellement pour Princeton. Jérôme, il n'ira jamais dans l'NBA, là, mais c'est un allié de 6 pieds 8, il sait. Sa carrière va être professionnelle après, soit en Europe. Mais déjà d'être à Syracuse, c'est déjà très bon. C'est une université très, très prestigieuse. Là. On parle d'une université quand même de qualité. Dis-moi, comment tu vis le buzz des Raptors? Écoute, tu vois passer ça sur les médias sociaux en masse. Il y a des gens qui disent dans une semaine, on sera plus personne va s'intéresser à ça. En voulant dire que c'est. Moi, je dis que ça prend des incitatifs pour aimer apprendre à connaître un sport, à aimer un sport. Et moi, si Eugénie Bouchard n'aurait pas été là, j'aurais pas suivi le tennis. Je suis encore le tennis. Si Jacques Villeneuve n'aurait pas été là, la course automobile, j'aurais pas suivi ça. Si Georges Saint-Pierre n'aurait pas été là, je suivrais pas l'UFC. Je suis encore. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça prend des incitatifs? Puis les Raptors tout, en sont tout là. Tout à fait d'accord. Moi, ce que j'ai toujours dit, une bonne structure de développement passe par des modèles d'élite. Mais passe aussi par avoir que chaque joueur puisse avoir leur niche. Que ce soit que tu sois un passionné de basket, mais malheureusement, dans la vie, tu fais 5 pieds, 200 livres. Il faut que tu aies ta niche. Parce que toi aussi, il faut que tu trouves un endroit et une ligue à jouer. Puis à l'inverse, le joueur qui était gâté dans la vie, qui a le talent, qui met les efforts, faut que lui ici, il y ait une niche et il faut qu'il y ait des modèles. Ça passe par, justement, tu l'as mentionné, les Chris Boucher, les Raptors en ce moment, voir des gars comme Kawhi qui fait des montées incroyables en fin de match quand on les pensait perdus. Donc, non, je suis tout à fait d'accord. Tout modèle de structure passe par l'importance de positionner nos modèles. Pas pour rien qu'on fait des Jeux olympiques. C'est à ça que ça sert. Oui. Dis-moi, est-ce que pour relancer le basketball, est-ce qu'un gars comme Chris Boucher pourrait être intéressant à relancer le basketball dans la région? Tu m'as parlé que le basket aurait besoin de travail là-dessus. Chris Boucher qui était, me semble que quelque part, ce serait le fun de l'avoir dans la région? Pour une oui, c'est sûr, on serait content, là, mais je serais très surpris de voir son sentiment d'appartenance. Ah, il est pas gros. À Montréal. OK. C'est pour lui, c'est un passage, là, allemand. Okay. Donc, je serais très curieux. Puis, je pense aussi qu'il est surtout attaché à des individus. Je pense qu'il est attaché auprès d'Igor, probablement auprès de Simon, qui l'a coaché aussi. Donc, le gars est plus près de ces personnes-là, là, Qu'est-ce qui l'avait amené à allemand en passant, hein? Tu me demandes, excuse. Qu'est-ce qui l'avait amené à Alma? Qu'est-ce qu'il avait fait qui avait été venu au basketball, s'était ramassé à Alma? C'est assez particulier, ouais. Pareil. C'est assez particulier, pareil. C'est parce que tu sais que notre sport est scolaire. Ouais. En premier temps, donc tu dois diplômer, tu dois réussir tes notes pour pouvoir pratiquer ton sport. Je sais que Chris Boucher avait un potentiel académique un peu plus difficile, un parcours atypique, on pourrait dire. Donc, se chercher une niche là qui fit avec lui, justement, dans son développement, dans l'exposure qu'il peut aller chercher. Je pense que Chris trouvait ça au niveau de l'académie d'Alma. Parce que vraiment, au niveau du sport RSEQ, il est éligible une session là dans les deux ans, dans le fond, qu'il était là-bas. Fait que c'est pour ça que lui, dans le fond, c'était l'exposure, tous les tournois aux États-Unis, son encadrement physique, son encadrement basketball. Donc, c'est ce qui faisait qu'Alma se démarquait à ce niveau-là. OK. Comment tu vois, en terminant, comment tu vois la fin de la série? Moi, j'ai dit, oh, c'est une défaite qui fait mal. Quand tu as les Warriors de Golden State dans les camps comme tu les avais hier, c'est difficile. Golden State, même si Brian ne jouera pas, c'est une équipe quand même qui sait gagner. Et moi, je trouve que les Raptors jouent avec le feu. Oui, ils jouent avec le feu, mais en même temps, je te dirais, le momentum d'énergie qui a amené à Golden State la blessure de Kevin Durant, ils peuvent pas la traîner pendant deux autres games. Puis, sans Kevin Durant, ils ont tout le temps des problèmes de match-up. Autrement dit, c'est que soit Kawhi ou soit Pascal Siakam a toujours un avantage favorable en ce moment sur le terrain, autant défensif qu'offensif. Puis lors des pendant deux parties, là, Curry puis Klay Thompson, ils l'ont déjà fait dans le passé. Mais il faut pas oublier que t'as Kawhi de notre bord aussi. Puis il a pas joué son meilleur match hier. Il a pas joué son meilleur match hier. Il y a eu une poussée en fin de game qu'il a failli réussir à la chercher avec tout seul. Là. Mais non, honnêtement, je suis assez confiant que les Raptors vont gagner. Si c'est pas le prochain match, le septième match à Toronto. Phil Ottubis, très intéressant. On écoute tes chroniques de basketball avec sur les ondes de CKG avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Merci beaucoup. Bonne journée. Phil Tubise, qui est directeur d'études pour le Cégep de Chicoutimi, s'occupe du basketball dans la région depuis 23 ans.